Chapitre 19e. Sur le perron, Louise et Roger Morin contenaient avec difficulté l'impatience d'amour. Depuis qu'elle savait que son père rentrait à la maison, elle ne tenait plus en place. Enfin, la voiture surgit au bout de l'allée et la petite échappant à sa nounou courut au devant. À peine la portière ouverte qu'elle se jetait dans ses bras. « Mon papa, chérie !»« Je suis là, ma petite. Je serai toujours là, pour bien longtemps encore. » Ron parut assez intrigué par la réponse de son père. Jérémy se tourna vers lui et lui dit « Je sais ce que tu en penses. À voir ton air perplexe et vu le comportement que j'ai eu ces derniers temps, ce n'est guère étonnant. Laisse-moi quelques minutes avec amour. Je vais déposer ces roses sur la tombe d'Harmonie. Ensuite, j'aimerais que nous parlions, toi et moi. » Ronnie fut stupéfait du changement survenu en si peu de temps. Il pensait que son père, sitôt rentré, se précipiterait sur la sépulture de sa femme et continuerait à se lamenter. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il prit une douche et se changea. Il se rendit ensuite à la cuisine retrouver Nounou Louise pour lui demander comment s'étaient passés ces quelques jours avec amour. « Elle ne vous a pas causé trop de problèmes ?»« Aucun. C'est une petite fille calme, mais très inquiète. Si le comportement de M. Jérémy change, elle ira beaucoup mieux aussi. »« Il me paraît bizarre, ou c'est seulement une impression ?»« Je me suis fait la même remarque. De plus, il m'a demandé de l'attendre pour discuter. » J'espère qu'il ne va pas me renvoyer aux États-Unis pour mon travail. J'ai reçu une offre assez alléchante, mais je préfère travailler ici avec lui. Bien que ces derniers temps, j'ai été plutôt seul au labo. Ah, le voici. Et on dirait bien que vous aviez raison, il a changé. Voyez comme il rit avec la petite. Tant mieux. Je ne dirais pas que c'est bien qu'il ait eu cette crise cardiaque, mais si au moins ça a eu l'heure de lui faire comprendre que ses enfants ont besoin de lui, eh bien j'en suis heureuse. Ron la laissa, non sans plaquer un bisou bien sonore sur la joue de la brave femme. Jérémy prit le temps également de se doucher, de se raser, de se changer. Mais contrairement à l'habitude qu'il avait prise depuis un mois, il enfila un pantalon et un pull à la place des informes jogging qu'il avait affectionnés jusqu'à présent. Il se présenta à Ron qui attendait dans le grand salon en jouant quelques morceaux de musique. Il s'arrêta en voyant son père. « Continue, tu joues si bien. Finis ton morceau. J'adore Thaïs. » Ce Massenet était un sacré compositeur. Pendant quelques minutes, le violon de Ronnie pleura dans la grande demeure. Jérémy fermait les paupières et une larme glissa sur sa joue. Lorsque Ron eut joué la dernière note, il essuya ses yeux et lui sourit. « Tu es un merveilleux musicien, mon garçon. Si tu voulais changer de métier, tu sais que tu pourrais le faire sans aucun problème. Comme toi, papa. Tu le regrettes pas parfois ?» « Si, cela arrive, surtout lorsque je suis perdu dans mes recherches, que celles-ci ne mènent à rien. Mais cela ne dure pas assez longtemps. Et puis, il est trop tard à présent, mais pas pour toi. Essaies-tu de me faire passer un message? Que je ne suis pas assez bon dans ce que j'entreprends avec toi? Oh non, surtout pas. Mais quand je vois ton talent, je me dis qu'il faut aussi que tu y penses pour ne jamais le regretter peut-être un jour. La recherche, c'est très bien. Cela peut être gratifiant ou te donner d'énormes désillusions. » C'est à cause du traitement pour Harmonie que tu dis cela. Peut-être, oui, mais pas seulement, mon fils, pas seulement. Il y a des choses dans cette vie qui nous échappent totalement. Nous pouvons faire autant de bien avec de la belle et bonne musique qu'avec un traitement. Pas pour le même résultat. Non, pas sur ceux qui ont besoin de remèdes pour ne pas mourir, mais sur ceux qui sont tristes, dépressifs. Avec notre musique, nous pouvons leur redonner un peu de joie de vivre, d'espoir. Ron réfléchit. Un silence s'établit que Jérémy finit par briser en reprenant. « Tu es assez grand désormais, veux-tu un verre? Cognac, whisky ou autre poison ?»« Je ne sais ce que Gunther t'a fait à la clinique, mais j'avoue que je ne te reconnais plus. Je veux bien de ce fameux cognac que tu ramènes chaque année. Tu as toujours dit qu'il était extra. Je t'ai jusqu'à présent cru sur parole. Maintenant, je vais pouvoir enfin te donner mon opinion. » Jérémy le servit et prit un verre d'eau pétillante. Devant la mine éberluée de son fils, il réagit. « Tu vois que je peux être raisonnable. Tu ne croyais tout de même pas qu'après une crise cardiaque, j'allais boire de l'alcool ?»« J'avoue que depuis que tu es rentré, je te trouve changé. »« Je vais te dire pourquoi. Viens t'asseoir à mes côtés. Je te préviens que je ne suis pas fou ni halluciné. Ce que je vais te raconter est véridique, et je n'ai pas rêvé, puisque tu sais très bien que j'étais mort. » Pendant 15 bonnes minutes, Ron ne pit pas mot. Il lui semblait que son père lui racontait une histoire à dormir debout. Cependant, Jérémy conclut. « Je vois ce que tu en penses, mais je t'assure qu'en tant que scientifique et rationnel de nature, ce que je t'ai raconté est la pure vérité. Abracadabrantesque, tu veux dire. Qui va croire à cela? Tu as dû faire une espèce de rêve. Je ne vois pas quoi dire de plus. Je me doutais bien que tu aurais dit ça, alors écoute. Lorsque tu as pris mon pouls, il ne battait plus, tu es d'accord? Exact. Donc j'étais bien mort. Et lorsque l'on est mort, selon toi, c'est fini. Explique-moi comment j'ai pu voir Amour à tes côtés, et que tu lui as demandé d'aller chercher Louise avec un téléphone. Ensuite, tu as dû crier après, car elle était statufiée. Ronnie ne sut quoi répondre. Il ne le pouvait pas. C'était l'exacte vérité, et il ne savait plus quoi en dire. Jérémy poursuivit. Je voulais rester là-bas, mais on m'a dit que je ne devais pas, que j'avais une mission encore à accomplir. Je me doute de quoi il retourne, mais je sais que je n'y arriverai, que j'y arriverai. Pourtant, je n'ai guère eu le choix. J'en ai conclu que tous et toutes sur cette terre, nous avons des missions, et que si celles-ci ne sont pas accomplies, nous ne mourrons pas avant. Tu veux dire en gros que nous sommes des marionnettes qui doivent suivre un chemin déterminé et que tant que ce n'est pas établi, nous restons sur cette terre. C'est injuste? Pourquoi est-ce injuste? Tu crois que trouver un remède contre une vilaine maladie ou un virus est injuste? Non, pas cela, mais tout le monde ne cherche pas de remède. Tiens, prends Roger et Louise, par exemple. Quelle peut être leur mission? Je n'ai pas toutes les réponses, mon fils, mais j'ai compris qu'une mission peut être une simple aide à une personne. Comme sauver quelqu'un qui plus tard fera une chose importante, ou pas, pour quelqu'un d'autre. En gros, le terme exact, c'est aimer. Mais pas aimer en paroles seulement. Les paroles ne sont pas des actes d'amour si elles sont seules. Seuls les actes comptent, réellement. Et c'est cela, nos missions sur cette planète. Petite ou grande échelle, on peut et on doit s'efforcer d'aimer. Eh bien, pas facile. Qui a dit que ce devait être facile? Mais pourtant, c'est ainsi. Et si par exemple on ne fait rien, si on fait du mal? On y retourne, mon fils. Tu es certain de cela? Oh oui. Et pour ce que je sais de cette vie, elle est déjà assez compliquée. Alors en avoir une autre, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Donc il faut aimer et faire le plus de bien possible, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Et comment sait-on quelle est notre mission? Chaque personne sur cette terre est capable de réflexion. Donc tôt ou tard, elle sait ce qu'elle doit faire de sa vie. Je comprends. Toi, tu dois chercher. C'est ça, et surtout trouver. Et toi, c'est à toi de le découvrir. Mais il faut être à l'écoute et ne jamais être réfractaire à tout conseil. Réfléchir avant d'agir et ne pas écouter tout le monde. Se faire sa propre opinion et écouter sa petite voix intérieure. C'est celle-ci qui te dit ce que tu fais est bien ou mal. Tôt ou tard, tu le ressentiras. Et si tu n'écoutes pas, que tu fais tout le contraire, tu y retournes. Mais quand tu y retournes, les compteurs sont à zéro. Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait dans ta vie antérieure, alors comment peux-tu te corriger? Nul besoin. Dans cette nouvelle vie, tu auras les mêmes capacités de réflexion et la même petite voix. À toi de nouveau de faire le bien et d'aimer. Aimer sans toujours vouloir un retour de l'autre, avec abnégation, car c'est cela qui fait de toi un être bon et meilleur. Ron souffla. C'est tout de même fou ce que tu me racontes là. Je l'admets. Mais c'est ainsi. À toi de me croire ou pas. J'aurais fait de mon mieux pour te le faire comprendre. Je dois aussi te révéler autre chose, et crois-moi, ce n'est pas facile. Oh, au point où nous en sommes. Tu as, comment dire, une amie? Non, je n'ai plus d'amis depuis quelques mois. C'est fini. Terminé. Et bien terminé cette fois. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ne me dis pas que l'on te l'a dit quand même. Et comment voudrais-tu que je le sache? Cela fait des années que je ne cherche plus à te protéger. Tu es adulte, alors j'ai cessé. Ils m'ont dit que la personne qui était avec toi s'en irait. Eh bien, ils ont raison. Ronnie s'était rembruni. Une larme même lui avait échappé. Jérémy vit que son fils en souffrait encore terriblement. Je comprends, tu sais. Par contre, cela aura un impact sur le reste de ta vie. Cela fait bien longtemps que tu la connais. Si je me rappelle bien, tu devais avoir 15 ans lorsque tu es tombé amoureux d'elle. Ronnie regarda son père stupéfait. Je m'étais foulé la cheville et elle allait voir sa mère à l'hôpital. J'étais très jeune et surtout très fou de supposer qu'une femme comme elle pourrait. Il se tut, la gorge nouée par l'émotion, puis reprit au bout d'un moment. Elle était beaucoup plus âgée que moi et je pensais que. Enfin, elle s'est rendue compte que je n'étais qu'un gamin, voilà tout. Non, Ron. Je refuse de croire pareille sornette. Cette jeune femme n'a pas pris assez de temps pour te connaître. Sinon, elle aurait compris ta grande valeur, ton abnégation dans ton travail, ta grande empathie envers les autres et qui fait que ce travail est si important pour tout le monde. Elle ne pensait qu'à elle et son petit confort. Bien sûr que ton métier comme le mien, comme celui de chirurgien, sont des métiers si prenants que nous ne voyons pratiquement jamais notre famille quand il le faudrait. Par contre, bien des femmes qui aiment sincèrement restent dévouées à leur mari malgré tous ses inconvénients. Ne te flagelle jamais plus, mon fils. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Je suis triste pour toi, et j'espère que tu trouveras quelqu'un de réellement bien plus tard. Nous verrons, mais tu m'as dit que cela allait changer le reste de ma vie. Comment donc? Tu ne continueras pas dans la recherche. Tu vas t'orienter vers la musique. Mais enfin, ce n'est pas du tout ce dont j'ai envie. Pas dans l'immédiat. Nous allons travailler ensemble pendant quelques années encore. Nous trouverons ce remède contre le cancer. Par contre, nous ne trouverons rien contre ce virus. Mais c'est effarant ce que tu me dis là, papa. Je l'ai ressenti aussi. Mais cela doit se faire pour que l'humain comprenne qu'il est allé trop loin cette fois. Mais ce virus va éradiquer des milliers, voire des millions de gens. En effet, cela sera terrible pour le genre humain, mais il paraît que ta petite sœur pourrait bien changer tout cela. Nous ne serons malheureusement plus là, toi et moi, pour le voir. Et si Elrine était restée avec moi, le destin aurait-il changé, le virus? Je ne sais pas, mon fils, je n'en sais vraiment rien. Nous aurons les réponses lorsque nous irons rejoindre Harmonie et cette force si puissante qui réagit ce monde. Ron resta un instant interdit. Son père venait de lui révéler que lui aussi mourrait dans les années à venir et qu'il n'en savait pas plus. C'était déjà énorme. Il demeura stupéfié un très long moment. Tu crois que malgré tout, nous serons un jour tous réunis? J'en suis intimement persuadé, mon fils. Nous nous retrouverons, c'est certain, après avoir accompli notre mission, notre devoir. Ils restèrent silencieux, perdus dans leurs pensées, lorsque le téléphone de Jérémy sonna. Ce sont eux, dit-il simplement. Il mit en fonction le haut-parleur. Monsieur Emerson, bonsoir. Je vois que vous allez mieux. Parfait. La voix n'exigeait pas de réponse, elle continua suavement. Nous avons un problème. Vous nous avez menti pendant de longues années en nous cachant que vous aviez falsifié le génome du virus. Cependant, nos chercheurs ont réussi à le remettre en place. À présent, il nous faut votre aide pleine et entière. Un petit incident est survenu 4 jours auparavant, juste au moment où vous faisiez votre crise cardiaque. Il nous faut un antidote dans les semaines à venir. J'espère que nous nous comprenons bien, monsieur Emerson. Vous voulez dire que cette saloperie s'est échappée de votre super labo? Eh bien, en effet, un incident regrettable. Les deux chercheurs les plus éminents qui travaillaient dessus sont morts en 2 jours. Voilà pourquoi nous requérons vos services. En ces temps, vous avez dû faire de gros progrès, si ce n'est déjà avoir trouvé cet antidote. Non, pas encore. Cette saloperie est très complexe. Mais je n'ai pas besoin de vous le souligner, puisque c'est vous-même qui l'avez créé. Je n'ai pas encore de résultats, et vous savez désormais qu'avec vos stupidités, l'avenir de l'homme sur cette planète est fortement compromis. C'est bien pour cela que nous faisons appel à tous les chercheurs du monde entier, mais nous pensons que vous avez des années d'avance sur eux et que vous trouverez facilement. Donnez-nous des nouvelles de votre avancée, tous les jours. Bonsoir, monsieur Emerson. Il y eut un déclic et la conversation fut coupée. Ron, perplexe, regardait son père. Eh bien, si j'avais un doute jusqu'à présent, désormais je sais que tu disais la vérité. Les années à venir vont être sérieusement pénibles. Je le crois aussi, mais c'est la destinée. Jérémy prit son fils dans ses bras et le serra fort contre lui. Je sais que je ne suis guère démonstratif, je ne l'ai jamais été. Je ne sais pas ce que c'est. Mon père, ton grand-père, était ainsi et beaucoup plus dur. Mais tu dois savoir que tu es, resteras à jamais dans mon cœur. Je t'aime, mon enfant. Souviens-t'en toujours.